Nous sommes au début des années 1800, au bord de la Méditerranée, dans un pays de soleil, de vignes, de bruyères et d'oliviers. Bref, nous sommes en Grèce, quoi. Depuis des siècles, le pays souffre. Son voisin, la Turquie, qui est alors un immense empire qu'on appelle l'Empire Ottoman, occupe son territoire. La barbe ! Les Grecs n'en peuvent plus ! Hélas, le sultan Mahmoud II, à la tête de l'Empire Ottoman, n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Ah oui ? Vraiment ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ! Attention ! Chaudement ! Cette voix, c'est celle de Lascarina Bouboulina. Femme d'action, femme rebelle, capitaine et pirate sur les bords, Lascarina n'a pas hésité à prendre les armes pour débarrasser son pays de l'envahisseur. Quel courage ! Ma foi alors, mais non, c'est pas du courage. Quand ton pays est occupé, y a pas trop le choix. Faut le défendre. Bon allez, c'est pas tout ça, mais comme tu vois, j'ai pas mal de trucs sur le feu. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous me suivez ? Oui, oui, on te suit, Lascarina. Bah alors, qu'est-ce que tu attends ? Tu dis pas ta phrase, là ? Oh purée, il faut tout faire soi-même dans ce podcast. Oh pardon, excuse-moi. C'est à fond que ton énergie, ça m'a coupé la chic. Voici l'odyssée de Lascarina Bouboulina, une femme épatante à qui son pays, la Grèce, doit une fière chandelle. Et aussi, quelques bonnes assiettes de délicieux tzatziki. Avec un peu de vin raisiné, paracalo. Bien sûr, Lascarina. Oula, je sens qu'on va bien s'amuser avec elle. Yahoo! C'est parti! Notre aventure commence en 1771, un soir d'orage, au cœur de l'Empire Ottoman, dans la ville de Constantinople, plus connue aujourd'hui sous le nom d'Istanbul. Dans la rue, une femme avance péniblement, son ventre est sacrément rond, elle est enceinte de 7 mois. Cette femme arrive de Grèce et elle s'appelle Skevo. Elle se rend au château des 7 tours. C'est là que son mari, il y a quelques mois, a été emprisonné. Pourquoi ? Il s'est rebellé avec d'autres Grecs contre l'occupation ottomane. Lorsque Skevo arrive devant la prison, un éclair déchire le ciel. À l'intérieur, tout est sombre, moche et puis... Oh, ça ne sent vraiment pas la rose. Qu'importe, bientôt, dans quelques minutes, elle pourra enfin revoir son mari et nom de nom, elle fera tout pour le sortir de là. Un gardien, à qui elle a donné quelques pièces d'or, l'a conduit, ni vu ni connu, jusqu'à une cellule. Skevo se précipite à l'intérieur. Son mari est allongé sur le lit, il ne bouge pas, on dirait qu'il dort. Vite, elle le prend dans ses bras, mais il ne réagit pas. Mon Dieu, son corps est glacé. Il est mort. Sous le choc, Skevo pousse un hurlement terrible qui déclenche la naissance de son bébé. La pauvre est en panique. C'est beaucoup trop tôt. Et puis par Dionysos, je ne vais tout de même pas accoucher dans cette prison sordide. Et pourtant si, Skevo, pas le choix, ma vieille. Le bébé arrive, faut y aller. Respire, on est de tout cœur avec toi. Courage. Quelques heures plus tard, une petite fille, robuste et vigoureuse, naît. Skevo l'appelle Lascarina. De retour en Grèce, Skevo s'installe à quelques heures de bateau d'Athènes sur l'île de Spetzai. Elle habite avec sa fille une petite maison blanche de laquelle... Oh, wow ! On peut voir la mer. Les années passent. Lascarina grandit. La petite a un sacré caractère. Elle sait ce qu'elle veut. mois plus tard, j'aurai mon bateau et je prendrai la mer. Ouais, je vivrai entourée de poissons et de mouettes. Oh purée, c'est vrai que c'est le rêve. Chaque année, elle voit les soldats ottomans débarquer sur son île. Ils arrivent, nombreux, pour récolter leurs impôts et forcer les jeunes hommes à partir avec eux. Ils seront soldats, marins, qu'importe. Arrachés à leur famille, ils serviront le sultan. Lascarina les déteste. C'est à cause d'eux que son père est mort. Bande de rabougris. Un jour, vous regretterez tout le mal que vous faites à la Grèce. Heureusement, dans la vie, il y a aussi l'amour. Lascarina tombe folle amoureuse d'un certain Dimitrios Bouboulis. Oh, ce qu'il est courageux, ce qu'il est drôle! Pourtant, quelques mois plus tard, à 18 ans, c'est un autre jeune homme qu'elle épouse, Yanouzas. Bah oui, elle est comme ça, Lascarina, imprévisible. Lascarina a plusieurs enfants. Elle les aime, mais s'occuper d'eux toute la journée, franchement, ça l'ennuie. C'est une femme d'action, que diable! Son mari, Yanouzas, est une sorte de marchand et de capitaine. Il possède de nombreux bateaux. Dans les îles grecques, eh oui, c'est comme ça qu'on fait les affaires. Et tu sais quoi? Il est temps qu'il partage un peu sa vie aventureuse. J'en peux plus, moi, de rester à la maison pour m'occuper des enfants pendant que toi, tu parcours le monde sur tes navires. Désormais, je pars avec toi. Ce que Lascarina veut, elle l'obtient. C'est une bourrasque force 10. Qui pourrait lui résister? En mer, elle revit. Ah ça, on peut dire qu'elle a le pied marin. Le sel, le vent, les embruns, elle l'adore. Ce qu'elle préfère, ah, ce sont les tempêtes. Lorsque la mer gonfle, lorsque les vagues montent et descendent et que ça valdingue un peu dans tous les sens. Naviguer en Grèce à cette époque peut se révéler très dangereux. Les navires se font souvent attaquer. Par les Ottomans? Oui, mais aussi par les pirates. Lascarina ne se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'ils croient, ces loupards des mers? Qu'ils vont faire leur loi? Elle apprend à tirer au pistolet, elle fait armer ses bateaux et entraîne ses hommes à la riposte. La meilleure défense, c'est l'attaque! Allez, battez-vous les gars! Ouais, bien joué, Lascarina. Hélas, de mauvaises nouvelles arrivent de l'île de Spetzai. Ses trois enfants sont malades, Lascarina doit rentrer au bercail. Son mari continue, seul, ses aventures sur les mers. Oui, ben, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Quelques semaines plus tard, le pauvre ne résiste pas à l'assaut de trois navires. Pirates? Eh non, ottomans. Eh oui, je sais, ça en fait des dangers en mer. Lascarina se retrouve veuve. Cette fois, trop c'est trop. D'abord mon père et maintenant mon mari, il est temps de libérer la Grèce. Trois ans plus tard, elle se remarie avec Bouboulis. Tu te souviens? C'est son béguin de jeunesse. Après la fête, les cotillons, tout ça, Lascarina compte bien reprendre la mer. S'il y a des navires ottomans qui se baladent sur les flots, ils n'ont qu'à bien se tenir. Je les attends de pied ferme. Hélas, Bouboulis refuse. Toi, naviguer et prendre les armes pour défendre ton pays? Mais enfin, les femmes ne sont pas de taille. Lascarina bouillonne. Il a de la feta à la place du cerveau, quoi? Qu'importe, ce ringardeau de Bouboulis ne parvient pas à briser son rêve. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a la vie au milieu de tout ça. Lascarina est mère de trois nouveaux enfants. Les années passent. Un matin, elle voit arriver au loin un navire avec une voile noire. Oh là, ça ne sent pas bon du tout. En effet, le bateau transporte une bien triste cargaison. Le cadavre de Bouboulis. La douleur est terrible. Mais Lascarina ne se laisse pas abattre. Elle reprend comme une chef les affaires de son mari. La capitaine, désormais, c'est elle. Bobolis n'est plus. Vive Bobolina! Cette fois, rien ni personne ne pourra l'empêcher de participer à la libération de son pays. Un peu partout, en Grèce, le vent de la révolte commence à souffler. Lascarina rejoint une organisation secrète, la Filiki Etheria. Leur but, organiser la révolte. Oh, je ne parle pas de petites batailles qui éclateraient ici et là, non. Je parle d'une guerre, sans merci, contre l'occupant. Les Ottomans sont redoutables. Ils nous ont déjà battus plusieurs fois. Cette fois, nous devons frapper fort. La résistance s'organise. Lascarina reçoit des messages secrets cachés dans des boîtes de loukoum. Notre héroïne n'est jamais à court d'idées. La Filiki Etheria peut compter sur elle. Tantôt, elle livre des armes dissimulées dans des barils d'huile d'olive. Tantôt, elle ruse pour délivrer ses frères d'armes lorsqu'ils se font capturer par la police. Régulièrement, la rébellion cache chez elle de gros sacs de billets après avoir, bien sûr, échangé le bon mot de passe. Saroukia. Ce qui signifie feu, ouragan, tornade et non, chaussures à pompons. Lascarina se démène pour inciter le plus de monde possible à rejoindre la rébellion. Elle est sacrément fortiche. Ses mots vont droit au cœur des habitants de son île. Plus jamais nous ne serons des esclaves. Vive la liberté! Spetzai est la première île grecque qui se rebiffe contre l'occupant. Youpi! En plus, de très bonnes nouvelles arrivent. Dans les terres, à Patras et à Kalamata, les Grecs se soulèvent. Génial! Ça pète dans tous les sens! Non. Non. Pas dans ce sens-là, non. Bah, disons que ça craque, quoi. Bon, avançons. Je sens qu'on ne va pas s'en sortir. La rébellion compte désormais 60 navires et 2700 marins. Nous sommes en 1821, l'heure de la bataille a sonné. Lascarina prend la mer pour affronter les Ottomans. Aux côtés de ses frères grecs, elle assiège plusieurs villes aux mains de l'occupant. Les combats sont difficiles. 4 ans plus tard, en 1825, Lascarina est de retour sur son île. La lutte pour la liberté des Grecs n'est pas encore terminée, mais notre héroïne commence à fatiguer un peu. Assise devant le port de Spetzai, elle regarde la mer, pareille à de l'or liquide. Les yeux rivés vers l'horizon, elle imagine ses camarades en train de livrer bataille. Elle les encourage. Allez les gars, continuez. Pour vos enfants, vos petits-enfants, nous devons être libres. En 1830, enfin, le premier état grec indépendant est créé. Lascarina, hélas, n'a pas vécu assez longtemps pour assister à ce grand moment. À mon avis, elle aurait sacrément fait la fête. Ah oui là, avec un peu de parésiné. Sacré Lascarina. À la fabrication des Odyssées, il y a Fanny Leroy, Taïsia Froidure, Basile Bocquer et moi, Laure Grand-Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Tu te souviens que Bouboulina cachait des liasses de billets pour aider la résistance? Eh bien, figure-toi que les Grecs n'ont pas oublié le rôle qu'elle a joué dans la guerre d'indépendance. Notre intrépide héroïne s'est retrouvée sur des pièces de monnaie et sur des billets de banque grecque. Aujourd'hui, ils ne sont plus en circulation. Mais il y a quelques années, on pouvait la voir sur ces billets de profil, les bras tendus vers le grand large.